Et quelle pseudo-vérité souhaiteriez-vous me communiquer, ô cher camarade euthanasié, par la bien-pensance inculquée, par nos chers patriotes réconciliés, dont la détestable arrière-pensée est de désagréablement nous enfumer, en vue de bien nous détourner de ce qui nous préoccupe, nous Français, la France, ainsi que ses intérêts.